Il y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Bonjour, c'est Arnaud Gurry dans British Connection. Bienvenue pour une carte blanche consacrée à Bruce Springsteen à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Bruce Springsteen's The Boss in the USA aux éditions Petit à Petit, dont j'ai eu la chance d'être le scénariste. Les auditeurs de British Connection doivent maintenant connaître cette collection pop-rock en BD, puisque plusieurs de mes collègues sont déjà intervenus pour présenter leurs albums sur Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Pink Floyd ou The Clash. Vous retrouverez donc dans cette nouveauté le même format, composé de planches de bande dessinée racontant des moments clés de la vie et de la carrière de Bruce Springsteen, commençant dès son enfance à Freehold dans le New Jersey, complété de pages documentaires écrites par Marie Berginia, une spécialiste du rock qui avait présenté ici un ouvrage sur Queen. C'est pour moi un projet très particulier puisqu'il s'agit de ma première BD sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Contrairement à ce qui se fait généralement, c'est moi qui ai contacté la maison d'édition pour proposer mes services et j'ai eu la chance de tomber sur une super équipe qui m'a mis en contact avec Lisa Cornier, une éditrice qui a totalement soutenu le projet, étant elle-même, grâce à sa maman, une fan du boss, avec qui elle va même jusqu'à partager la date d'anniversaire. Après avoir fait mes preuves sur quelques chapitres de scénario en guise d'essai, j'ai défini avec Lisa les chapitres à conserver, un vrai crève-cœur, car on aurait pu en dire beaucoup plus, pour arriver à un total de 17 histoires, confié à des artistes venus de plusieurs pays, France, Belgique, Italie, Canada, Chine et Japon. Certains signent là leur premier projet dans la collection. Au fil des mois, ça aurait été un vrai plaisir de travailler avec une éditrice investie et enthousiaste, puis de voir ce qui n'était que des mots sur une page blanche prendre vie, et un émerveillement constant face au talent de tous ces dessinateurs et dessinatrices d'horizons et de styles différents. Je vous propose maintenant d'écouter un premier morceau dont on fête actuellement les 50 ans, le mythique Born to Run, tiré de l'album éponyme sorti donc en 1975, un titre éblouissant, percutant, l'un des plus grands hymnes à la liberté jamais écrit et qui changea à jamais la carrière de Bruce Springsteen et du Street Band. British Connection, just rock! Sprung from cages on Highway 9. 1994. Je vais avoir 18 ans, ma culture musicale n'est pas très développée, je n'écoute que du rock. Tous les artistes qui passent à la radio ou sur MTV, principalement U2, Nirvana, Aerosmith, Guns N' Roses, Dire Straits, ZZ Top et Oasis, qui vient tout juste de sortir un premier album absolument génial. Et au milieu de ces groupes, un artiste sort une chanson pour accompagner un film sorti en début d'année en France, Philadelphia. Le film fait un carton, le titre tourne en boucle, et je suis subjugué par la puissance et l'émotion qui s'en dégage, accentuée par le clip vidéo sur lequel Springsteen a enregistré sa voix en direct, dans la rue. Mon anglais n'est pas encore très bon à l'époque, je passe un peu à côté des paroles mais pas du message. C'est donc grâce à Streets of Philadelphia et au coffret Trax, sorti 4 ans plus tard, une fabuleuse rétrospective de sa première partie de carrière, que j'entre dans cet univers springsteenien qui ne laisse personne indemne. Si vous interrogez les fans du boss pour savoir ce qu'ils apprécient tant chez lui, vous aurez toujours sensiblement la même réponse, quel que soit l'âge, le pays, la culture. Ce qui plaît évidemment, c'est sa musique, un mélange de plein d'influences, soul, rock, folk, country, des racines très américaines et pourtant très universelles, ce qui permet à n'importe qui dans le monde de se sentir en connexion avec ses textes et des thématiques intemporelles. Mais ce qui plaît aussi, c'est l'homme. Imparfait, plus fragile qu'on le croit, mais résilient, combatif et fidèle à ses idéaux, fait de solidarité, de paix, de générosité et d'espoir. On le présente souvent comme le porte-voix de la classe populaire, et c'est on ne peut plus vrai. Son enfance s'est faite dans la vraie pauvreté, et il lui a fallu de la force et de la détermination pour franchir tous les obstacles jusqu'à devenir une vraie vedette. Même s'il est aujourd'hui multimillionnaire, il n'a pas changé, et ses combats restent actifs. Dans l'Amérique de Trump, ça n'a jamais été aussi nécessaire. Et sa voix est aujourd'hui une des rares qui ose s'élever contre l'autoritarisme. La deuxième chanson que je vous propose d'écouter sur British Connection traite de cette Amérique brisant les plus faibles, à qui il ne reste plus que des rêves pour oublier la réalité. Atlantic City est tiré de l'album Nebraska, qui sera au cœur du film Deliver Me From Nowhere, un biopic sortant en salle en France le 22 octobre prochain. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Last night, now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Crow City bus. Now baby, everything dies, honey, that's a fact. And maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. So is your hair up nice, is yourself up pretty. You meet me tonight in Atlantic City. Ce que j'ai vraiment tenu à faire ressortir dans cette bande dessinée, c'est le parcours d'un homme qui ressemble beaucoup au personnage de ses chansons. Parti de rien, il lui aura vraiment fallu croire en sa chance pour arriver au sommet, avec une volonté qui force le respect et une détermination qui flirtait parfois avec l'inconscience. J'ai aussi voulu insister sur son histoire familiale, ses racines irlandaises d'un côté, italiennes de l'autre, sur sa relation difficile avec son père, Douglas, qui aura une grosse influence sur lui, et sur celle beaucoup plus heureuse avec sa mère, Adèle, à qui il doit presque tout et qui l'aura invité à danser sur scène lors de ses concerts jusqu'à sa disparition en 2024 à l'âge vénérable de 98 ans. Il a aussi fallu revenir sur l'origine de ce surnom qu'il déteste tant, qui lui restera pourtant attaché pour toujours, qui permet de mieux comprendre son intransigeance, pas de drogue, pas de cigarettes, presque pas d'alcool et beaucoup de sport, pour ne pas finir comme son idole absolue, Elvis Presley. Malgré l'admiration qu'on lui porte, cet album n'est pas une hagiographie. On n'occulte pas son premier mariage raté, sa longue dépression, ses colères, mais il est honnêtement difficile de trouver beaucoup de choses négatives sur lui, si bien que la plupart des anecdotes montrent principalement les nombreuses qualités humaines d'un homme qui a toujours préféré suivre sa propre voie et peut aujourd'hui s'enorgueillir de ne jamais s'être renié. Comme c'est ma première bande dessinée dans ce registre, je ne saurais pas dire si s'attacher à sa biographie est plus facile que pour d'autres, mais même en sachant beaucoup de choses sur Bruce Springsteen avant d'entamer l'écriture, j'ai constaté qu'il y avait énormément de matière. En plus d'innombrables livres plus ou moins pertinents, lui-même s'est beaucoup livré, dans une autobiographie passionnante, mais aussi sur scène, lors des concerts, lors de captations pour la télé, ou dans diverses émissions que je ne peux que conseiller aux fans. Se plonger dans l'histoire de Bruce Springsteen, c'est revivre plus de 50 ans de l'Amérique populaire, la vraie, celle qui trime et qui nous ressemble et qu'on admire. C'est aussi plus de 50 ans d'une musique qui ne suit pas les modes et ne sera donc jamais démodée. Pour finir, je vous propose un dernier titre sur British Connection, tiré de l'album Letter to You, sorti en 2020. Comme beaucoup de chansons de Bruce Springsteen, il trouvera sûrement un écho particulier chez certains auditeurs, c'est en tout cas le cas pour moi en cette période. On se quitte donc avec I'll See You In My Dreams, portez-vous bien au son du boss. It's on the rock, British Connection. The road is long and swimming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, in my heart's been empty, it seems. I got your guitar, here by the bed. All your favorite records and all the books that you read. And though my soul feels like it's been split at the seams, I'll see you in my. and I'll see you in my dreams. Hey gringo, si tu aimes les duels au coucher du soleil sur un air d'harmonica, alors reste chez toi à mater des films de Clint Eastwood. Ici, c'est du rock, et rien que du rock. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Connection, c'est tous les rocks. Et oui, Bruce Springsteen à l'instant. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le boss. À l'instant, The Creature. Et puis tout de suite, Duran Duran. On les attendait depuis des années. Le seul concert en France, c'est le 21 octobre au Zénith de Paris. C'est déjà complet à quelques semaines. Duran Duran dans British Connection. Save a Prayer. Et puis tout à l'heure, Adam and the Ants en deux titres pour le prix d'un. Take a chance like Et c'est la troisième partie, fin de cet album de la semaine. Je vous rappelle que le groupe s'appelle Stade. Leur premier album, qui est sorti il y a quelques mois, s'appelle Musique de Stade. Salut, c'est Yann de Stade. Aujourd'hui, je dois vous parler d'un morceau qui s'appelle Paimpol. Paimpol, pourquoi Paimpol ? Parce qu'on l'a tout simplement enregistré à la Sirène. On était en résidence pendant 2 jours. Le but, c'était d'enregistrer un morceau pour agrémenter l'album qui était en préparation. C'est un album qui parle de la pêche, de la dureté de la pêche, etc. On a même fait un clip avec le Fury Braise, le bateau le Fury Braise, qui est un coquillier, je ne sais pas trop si ça dit comme ça, et qui nous ont gracieusement donné leurs images. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. British Connection. Girac, Gims, Claudio Capeo, Aya Nakamura, El Pokora, Kinfei. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock.